Chapitre 16e. L'auguste cérémonie s'achevait. Sophie me nommait son époux. Ma bouche répétait à ma Sophie un serment qu'avait fait mon cœur. Lorsque la voûte sacrée retentit d'un cri lamentable et perçant. Chacun se retourne effrayé. Déjà, loin des spectateurs étonnés, s'était lancé vers les portes du temple un jeune homme dont je n'aperçois plus que l'uniforme bleu. On l'a vu, quelques instants auparavant, entrer précipitamment, brusquement fendre la foule, s'approcher de l'autel avec la plus grande agitation. Ses regards sont tombés sur Sophie. D'une voix plaintive, il a dit « C'est donc elle !» et puis il a poussé ce long gémissement dont mon cœur s'est ému. Inquiet et curieux, je veux voler à lui. Mon père s'y oppose et m'arrête. Mais mon généreux ami, mon cher compagnon d'armes et d'amour, d'Erneval, plus libre et moins alarmé que moi peut-être, d'Erneval court aussitôt sur les traces de l'inconnu. C'est pendant le tumulte momentané, causé par cet événement étrange, que Sophie se penche à mon oreille et me dit en tremblant « Oh, mon ami, prends garde à moi !» J'allais lui répondre, j'allais l'interroger, quand monsieur du portail, un moment distrait dans le trouble général, mais apparemment aussitôt rappelé par le mouvement qu'il a vu faire à sa fille, vient reprendre auprès d'elle la place que peut-être il se repent d'avoir un instant quittée. Je le vois lancer un regard sévère sur ma timide épouse, qui baisse les yeux en pâlissant. Une foule de réflexions cruelles tourmente mes esprits, dans le court espace de temps qu'emploie le ministre pour terminer la cérémonie. « Quoi ? D'Erneval, mon ami, quoi ? Si tôt de retour ? Eh bien, ce jeune homme, le connaissez-vous ? Quel est-il ? Que veut-il ? Que vous a-t-il dit ? Mon cher Faublas, ces gens lui tenaient dans le cloître un cheval tout près. Il était au bout de la rue avant que je fusse à la porte du temple. Et vous ignorez ce qu'il est devenu ? Mon ami, il courait au galop et j'étais à pied. À tout hasard, je me serais volontiers jeté dans la voiture qui a conduit Madame de Faublas ici. Mais l'un d'ocile cocher n'a pas voulu marcher. D'Erneval, vous ne savez pas combien j'ai d'inquiétude. Promettez-moi de ne pas nous quitter aujourd'hui, ne partez que demain. Demain ? Si dès aujourd'hui mes persécuteurs... Je crois à vos dangers possibles, mais les miens sont peut-être inévitables. Depuis la terrible scène d'hier, depuis que le baron de Gorlitz et Madame Munich sont partis, Lovzginski s'est emparé de sa fille. De sa fille que je n'ai revue qu'aujourd'hui, que je n'ai revu qu'à l'hôtel. À peine a-t-on daigné souffrir que je lui adressasse un mot. Toute réponse lui semblait interdite. Ce n'est qu'au pied de l'Éternel qu'elle a pu me renouveler sa foi. Ce n'est qu'à ma femme qu'on m'a permis de jurer que j'adorerais toujours mon amante. D'Erneval, examinez Lovzinski. Remarquez son visage sombre et soucieux, son regard observateur et défiant. Lui trouvez-vous cet air de satisfaction que montre toujours un bon père qui donne à sa fille l'époux désiré ? D'Erneval, je vous en conjure, par notre confraternité, ne m'abandonnez pas dans des circonstances aussi critiques. Si vous me quittez, je suis perdu. Une obscurité profonde couvre les desseins de nos ennemis. Comment prévenir des complots que j'ignore? Et dans la foule des malheurs que je pressens, comment deviner celui qui peut m'accabler? Je n'entendis pas la réponse de D'Erneval, car Sophie, toujours accompagnée de son père, regagnait déjà les portes du temple. « Mon ami, ne venez-vous pas ?» me dit-elle. Il y avait dans son regard tendre une expression de douleur si forte. Il y avait dans l'inflexion de sa voix une altération si marquée que je sentis s'accroître encore mon inquiétude mortelle. Nous arrivons dans le cloître. Est-ce par distraction ou par incivilité que Lovzinski, sans prendre garde ni à Dorothée ni à mon père, fit monter sa fille la première et se plaça aussitôt à côté d'elle? Pendant que je me fais cette question, Lovzinski ferme la portière et le cocher, déjà prêt, donne aux chevaux de grands coups de fouet. La voiture, rapidement emportée, est à plus de 50 pas de distance, avant qu'aucun de nous ne soit sorti de la profonde stupéfaction où le jette cette fuite imprévue. Le premier, je me réveille. Plus prompt que l'éclair, je m'élance. La grandeur de la perte que je puis faire, l'espérance de recouvrer l'inappréciable bien qu'on m'enlève, ajoute à ma légèreté naturelle des forces extraordinaires. Je me sens une vigueur plus qu'humaine. Bientôt j'arracherai ma femme à son ravisseur. Mais hélas, D'Erneval et mon père sont trop tôt pour moi, revenus de leur étonnement, et leur activité bruyante va me devenir plus funeste que la funeste immobilité dans laquelle je les ai laissés. Tous deux, ils me suivent de loin, en criant de toute leur force « Arrête !» Moi, je cours si vite que je ne puis crier. Plusieurs soldats viennent à passer. En me voyant seul et silencieux brûler le chemin dans mes élans rapides, ils s'imaginent que c'est moi qu'on poursuit. Tout d'un coup, le cercle est fait et me voilà environné. Je veux m'expliquer, je parle français à des Allemands. Désolé de n'être pas compris et de perdre en vain discours le temps si précieux, j'essaie de forcer la barrière. Mais que peut un homme contre 10 ? Ma résistance ne fait que les irriter, ils me maltraitent. Ce n'était rien que des coups, je les sentais à peine, mais j'entendis le bruit sourd que faisait la voiture, déjà beaucoup plus éloignée, et chaque tour de roue était un coup de poignard pour mon cœur. Tout en me débattant, je jette sur la route un regard douloureux. Dans le lointain, je distingue à peine un faible nuage de poussière. Alors, saisi d'un mortel désespoir, je sens expirer mon courage et s'anéantir mes forces. Alors, se fait dans toute la machine ébranlée la plus prompte et la plus affreuse des révolutions. Je tombe sans connaissance aux pieds des barbares qui m'ont arrêté, aux pieds de mon père et de mes amis qui ont enfin pu me rejoindre. Je tombe. Ah, Sophie, mon âme te suit. Malheureux chevalier, quand tu revins à toi, où étais-tu ? Sur un lit de douleur. Le baron veillait à mon chevet. Sophie fut le premier mot que je prononçai quand je recouvrais ma raison. « Voyez comme sa tisane a déjà fait son effet, » dit un petit homme que j'aperçus derrière le baron. « Voilà l'accès passé, il entre demain dans son quatrième jour. »« Quoi ? Monsieur, je ne suis ici que depuis 3 jours. »« Quoi, mon père ? Il n'y a que 3 jours qu'ils m'ont arraché Sophie. » « Oui, mon ami, » me répondit-il en sanglotant, « 3 jours se sont écoulés depuis que ton père désolé attend que tu le reconnaisses et que tu le nommes. « Ah, pardon, 100 fois pardon. Mais vous ne savez pas, vous ne pouvez concevoir quel énorme fardeau pèse sur mon cœur, combien je me sens accablé du poids de mon infortune. » « Tel est, mon fils, l'effet ordinaire des passions qui égarent la jeunesse insensée. Elles ont d'abord amolli ton âme au sein des plaisirs, maintenant elle te livre sans force au coup de l'adversité. À Dieu ne plaise que je veuille aujourd'hui te reprocher tes fautes. Le sort t'en a trop cruellement puni. Tu as besoin d'un appui. Ce sont des secours que je prétends te donner. Mon fils, entends ma voix gémissante. Recueille mes consolations paternelles. Rappelle ton courage. Ouvre ton cœur à l'espérance. Prends pitié de ma peine extrême et rends-moi mon fils. Mon père, je vous devrai 2 fois la vie. Mon père, sais-tu au moins ce qu'elle est devenue ? Mon ami, d'Erneval et Dorothée sont partis avant-hier et m'ont promis de faire des recherches. Messieurs, dit encore le petit homme, voilà un entretien qu'il faut finir. Nous guérirons ce jeune homme-là puisqu'il parle déjà raison, mais qu'il se taise et qu'il continue sa tisane. Demain tout ira bien et nous pourrons le faire transporter. Le meilleur médecin est celui qui, connaissant nos passions, sait les flatter quand il ne peut les guérir. Aussi, les promesses du baron préparèrent mon rétablissement, bien plus efficacement que l'aurait pu faire la tisane du petit homme. Dès le lendemain, je me sentais mieux. Je fus transporté comme on me l'avait annoncé la veille. Nous allâmes au village de Holharis, situé à 2 lieues de Luxembourg, occuper une maison bourgeoise. Mon père avait pensé que nous serions beaucoup mieux cachés dans un village obscur. À la précaution, peut-être surabondante, de changement de ce lieu, il avait ajouté la précaution, sans doute plus nécessaire, du changement de nom. On l'appelait Monsieur de Bellecour. Je me nommais Monsieur de Noirval. Le valet de chambre du baron et mon fidèle Jasmin composaient notre domestique. Mon père avait envoyé le reste de ses gens sur diverses routes, avec la double commission de chercher Lovzinski et de veiller à ce que nous ne fussions pas inquiétés. En arrivant dans le nouveau domicile qu'il nous avait choisi, M. de Bellecour visita toutes les chambres pour m'y faire donner celle qu'il jugerait la plus commode et la plus tranquille. M. Després, c'est le nom du médecin, nous fit remarquer un petit pavillon entre cour et jardin. Il nous dit qu'il y avait au premier étage 3 chambres fort gaies, mais que le dernier propriétaire s'était vu forcé d'abandonner à cause des revenants. « Noirval, » répondit mon père en souriant, « ne crains pas les esprits. Il a maintenant ses pistolets. Quand il se portera mieux, il aura son épée. » On me mit donc en possession d'une des 3 pièces. Jasmin s'empara gaiement de l'une des 2 autres et promit de garder encore la 3e contre les esprits. M. de Bellecour alla prendre son logement dans le corps de logis plus considérable situé dans la rue. La nuit vint, les esprits ne vinrent pas. Ils me laissèrent tout entier à mes réflexions douloureuses. Oh, ma jolie cousine, oh, ma charmante femme, que je versais de pleurs en songeant à vous. Où son père l'avait-il conduite? Pourquoi me l'avait-il enlevée? Quelle raison assez puissante avait pu porter à cette extrémité si dangereuse Lovzinski, naturellement compatissant et doux, Lovzinski dont le cœur avait éprouvé l'irrésistible empire d'une grande passion vainement contrariée? L'inconsolable époux de Lodoïska devait-il être un père cruel? Aussi, dans le calme des nuits, ma douleur se nourrissait des idées les plus propres à l'augmenter. Le jour m'apportait quelque repos. Mon père, toujours levé avec l'aurore, ne se lassait pas de répéter ses promesses. Il me parlait des moyens qu'il comptait employer avec moi pour retrouver ma femme, et ne paraissant pas douter de leur succès, il me défendait de mon désespoir. Quelquefois, agité d'un soupçon inquiétant, je demandai à mon père ce qu'il pensait de ce jeune homme, dont je croyais encore entendre le lamentable cri. Monsieur de Bellecour ne savait que me répondre quand je le priais de me dire comment cet inconnu avait pu nous suivre à Luxembourg, quel dessein l'y amenait, en quel temps il avait connu Sophie, et pourquoi Sophie ne m'avait jamais parlé de lui. Plus de 8 jours, cependant, s'étaient passés, lorsqu'enfin nous reçûmes des nouvelles encourageantes. Dupont, celui de nos domestiques que mon père avait envoyé sur la route de Paris, écrivit qu'en sortant de Luxembourg, il avait appris, à la première poste, qu'on venait d'y donner des chevaux à un homme d'un âge mûr, accompagné d'une jeune fille éplorée. Dupont, ne doutant pas que ce ne fût ma femme et mon beau-père, les avait suivis de près jusqu'aux environs de Sainte-Ménehou, où malheureusement il s'était démis la cuisse en tombant de cheval. Cet accident l'avait empêché de nous faire passer plus tôt l'intéressant avis qu'il nous donnait. Monsieur de Bellecour, habile à saisir tout ce qui pouvait flatter mon espérance, ne manqua pas de m'observer que désormais l'objet de nos recherches, devenu plus facile, se trouvait circonscrit dans l'étendue du royaume, ou plutôt dans l'enceinte de la capitale. « Monsieur du Portail, ajouta-t-il, a bien senti qu'il pouvait s'encourir un grand danger, retourner à Paris, où on le connaît peu, et qu'en supposant que nous parvincions à découvrir sa retraite, nous n'oserions l'y venir troubler. « Je l'oserais, m'écriai-je avec transport, je l'oserais, mon père, et bientôt j'embrasserai ma Sophie. » Le même jour vint une lettre de monsieur de Rosembert, à qui monsieur de Bellecour, depuis notre changement de demeure et de nom, avait fait passer les détails de ma funeste aventure. Le comte, toujours caché dans l'asile qu'il s'était choisi, se portait déjà beaucoup mieux, et comptait venir bientôt nous rejoindre et me consoler. Il avait envoyé au couvent savoir des nouvelles d'Adélaïde, que notre absence inquiétait beaucoup et chagrinait davantage. Le marquis n'était pas mort. Rosembert ne disait pas un mot de madame de B. Le silence qu'il affectait sur le compte d'une femme trop malheureuse et trop aimable, dont il ne pouvait douter que le sort incertain ne dût exciter au moins ma vive curiosité, me parut étrange. Je ne fus pas moins surpris qu'il ne m'eût pas écrit en même temps qu'à monsieur de Bellecour. Mais en y réfléchissant plus mûrement, je devinai que mon père, pour le moment peu curieux de me voir occupé de cette correspondance, interceptait ses lettres. Si, dans les nouvelles que je venais de recevoir, il n'y avait rien d'assez positif pour me rassurer entièrement, j'y trouvais de moins de quoi me tranquilliser un peu. Ma convalescence commença. Le petit docteur contestait à l'amour et à la nature le mérite de cette prompte cure, pour en attribuer tout l'honneur à la funeste tisane si rarement bue. Une chose seulement lui faisait croire que quelque divinité propice veillait sur nos destinées. Les revenants ne m'avaient pas encore tourmenté depuis que nous habitions notre nouvelle demeure. Monsieur Després me parlait si souvent des revenants, qu'enfin je le priais de vouloir m'apprendre ce qui pouvait donner lieu à cette éternelle plaisanterie. C'était une légende banale, inutile à rapporter ici. L'histoire du crédule docteur avait-elle un peu dérangé mon cerveau? C'est ce que va décider la judicieuse personne qui me lit. Dans un rêve qui dura 2 heures à peu près, je vis presque continuellement ma jolie cousine. La marquise de B se présenta 5 ou 6 fois dans les intervalles, et seulement une fois, ne me grondez pas, lecteur, une fois seulement, je crus entrevoir cette charmante petite créature chiffonnée dont je vous ai parlé dans ma première année, cette ingrate Justine, vous savez bien. Je ne saurais vous dire laquelle de ces 3 beautés m'embrassa, mais ce que je puis vous certifier, c'est que je fus embrassé. Je le fus, et si bien, que je n'aurais pu l'être mieux par toutes les trois ensemble. Je me réveillais en sursaut, le jour commençait à poindre. D'honneur, je sentais sur ma lèvre brûlante la vive impression de ce baiser. Mes rideaux de toile d'orange s'agitaient avec un doux frémissement. Il se faisait dans mon appartement un petit bruit aigu. Je me jette en bas de mon lit. En trois sauts, je fais le tour de ma chambre qui n'est ni très longue ni très large. Il n'y a personne. Tout est bien fermé, bien tranquille. Je suis donc fou. L'amour et les revenants m'ont donc tourné la tête. Oh, Sophie, ma Sophie, viens, reviens, hâte-toi, si tu ne veux pas que je perde ce qui me reste de ma raison. Quand messieurs de Bellecour et Després rentrèrent chez moi, j'étais encore si affecté du baiser reçu que je leur racontai qu'un revenant m'avait embrassé. Mon père sourit et augura sur le champ mon entier établissement. Le docteur parut enchanté et cependant me conseilla quelques rafraîchissants. Ceux qui ne croient point aux esprits seront bien étonnés d'apprendre que le surlendemain je fus réveillé comme je l'avais été la surveille. J'éprouvai la même sensation, j'entendis le même bruit. Je fis dans ma chambre des recherches plus exactes et non moins inutiles. Il fallut en conclure qu'avec mes forces était déjà revenue mon ardente imagination. Un soir, en me déshabillant, je trouvai dans mon bonnet de nuit un billet soigneusement plié. Pour adresse étaient écrits ces mots « Noirval, renvoie ton domestique et lis ». Je renvoyai Jasmin et je lus. S'il est vrai que le chevalier de Faublas ne craigne pas les revenants, qu'il brûle ce billet et qu'il garde cette nuit un profond silence, quoi qu'il lui arrive. « Voilà, m'écriai-je assez haut, une petite plaisanterie du cher docteur. » Je brûlai le mystérieux papier, j'éteignis ma lumière, je me couchai et je m'endormis. Ce ne fut pas pour longtemps. Mon premier sommeil, quoique profond, ne devait pas résister à l'impression accoutumée de ce baiser si vif qui brûlait mes lèvres et faisait palpiter mon cœur. Pour cette fois, un songe vain ne m'abusait plus. Ce n'était plus une ombre fugitive qui m'embrassait. Dans mon lit même, et bientôt dans mes bras, se trouvait un corps bien vivant, dont le voluptueux contact. Mais doucement donc, étourdi que je suis, j'allais conter tout cela au bon lecteur qui déjà se trouble et rougit. Essayons une phrase un peu plus décente. Aussitôt je me sentis, non pas brusquement saisi, mais mollement attiré par une charmante petite main, que je baisais, ne vous en déplaise. Car avec tous vos scrupules, si vous vous étiez trouvé où je me trouvais, vous auriez fait ce que je fis. Mille appâts séducteurs ne vous auraient pas été vainement offerts. Comme moi, vous auriez promené sur tant de charmes une main caressante et curieuse. Enchanté du résultat de vos recherches, comme moi, vous auriez dit poliment et bien bas, de peur que votre domestique ne vous entendît dans la pièce voisine, « Charmant revenant, que vos formes sont belles et que vous avez la peau douce. » Plus d'une fois je fis ce compliment flatteur. J'aurais voulu prouver plus d'une fois qu'il était sincère. Vain désir. Un convalescent, s'il peut, dans une heureuse nuit, souvent recommencer les mêmes discours, répète malaisément les mêmes actions. Le doux combat venait de s'engager. Il n'était pas de simple politesse. Je me rappelle trop bien que mon adversaire s'y complaisait. Hélas, Faublas s'y trouva trop peu préparé. Faublas y fut presque aussitôt vaincu. Encore, si le revenant, moins taciturne, avait bien voulu causer familièrement avec moi, mais il s'obstinait à ne pas répondre un mot. C'était un sûr moyen de me rendormir, moi qui, comme tant d'autres, aime assez à parler quand je n'ai rien à faire. Lorsque je rouvris les yeux, le jour venait de paraître et j'étais seul dans ma chambre. J'y recommençai mes perquisitions, déjà plusieurs fois inutilement faites. Mes deux portes et mes quatre fenêtres se trouvaient bien exactement fermées. Aucune fausse porte n'était pratiquée dans les murs. Il n'y avait point de trappe au plancher, point de coupure au plafond. Par où donc le revenant femelle pénétrait-il chez moi? Oh, ma Sophie! De tout temps, peut-être, il était écrit que ton époux prédestiné ne pourrait seulement pendant trois semaines te demeurer fidèle. Mais au moins l'encens qui t'appartenait ne devait brûler que pour une divinité. Je fus bien aise de consulter sur cette aventure le comte de Rosembert, dont il était bien étonnant que je ne reçusse aucune nouvelle directe. La lettre que je lui écrivis avait trois grandes pages. En vérité, dans les deux premières, il n'était question que de ma Sophie. j'avais resserré dans la troisième l'inconcevable histoire du joli revenant. Je l'attendais la nuit suivante. Il ne revint que la huitième nuit. Pressé du vif désir de connaître la nocturne beauté qui me visitait, je lui demandais comment elle s'appelait, car nymphe ou déesse, elle avait un nom. Depuis quand elle m'aimait, car sans fatuité, je pouvais me flatter de lui avoir plu. Dans quel endroit elle m'avait rencontré, car elle me traitait au moins comme connaissance. Ces questions, et plusieurs autres, moins embarrassantes, ne me valurent aucune réponse. Alors, de tous les moyens connus de faire jaser une femme, j'employai le plus décisif. Mais le malin démon femelle, avec une présence d'esprit imperturbable, épuisa mes ressources sans me permettre même une exclamation. Je m'obstinais d'autant plus que ce silence impoli devenait, par la circonstance, une ingratitude. Cette fois, je me comportai assez bien pour obtenir un remerciement. Tous mes efforts furent inutiles. Je vis avec chagrin que les femmes de l'autre monde, quoique très sensibles aux bons procédés, n'ont pas, dans les occasions intéressantes, le tendre bavardage, le jargon caressant de la plupart des femmes de ce monde-ci. Ennemie du jour délateur, ma discrète amante n'attendit pas chez moi le lever de l'aurore. Quand je l'entendis préparer son départ, j'essayai de la retenir, mais elle posa sur sa bouche l'index de sa main droite, sur mon cœur sa main gauche, sur mon front deux baisers. Et puis, m'échappant avec un soupir, elle s'en alla prestement, je ne sais par où. Seulement je crus distinguer par le craquement d'un mur qui s'ouvrait et l'aigu sifflement d'un gond criard. Apparemment j'avais mal entendu, car je visitais mes quatre murailles dès qu'il fut jour, et le simple papier qui les tapissait, bien uni dans sa surface, ne m'offrit aucune trace de déchirement. Mes portes et mes fenêtres étaient bien exactement fermées. Le même soir, je trouvai dans mon bonnet de nuit un second billet. Je reviendrai dans la nuit du dimanche au lundi, si le chevalier de Faublas me promet, foi de gentilhomme, de ne faire aucune tentative pour me retenir, qu'il me réponde par le même courrier. Ah, j'entends, le courrier, c'est mon bonnet de nuit. Le lendemain, mon docile commissionnaire fut chargé de mes courtes dépêches qui contenaient les promesses qu'on exigeait de moi. Il vint enfin ce dimanche, peut-être impatiemment attendu. Bientôt elle allait m'environner de ses ombres perfides, cette nuit si remarquable dans l'histoire de ma vie. Jasmin, qui depuis le dîner s'était absenté, revint sur la brune. Dès qu'il me vit seul, il m'apprit la nouvelle imprévue de l'arrivée de Rosenberg. Le comte s'était arrêté à Luxembourg, d'où il avait secrètement dépêché vers Jasmin, pour de grandes raisons qu'il me dirait lui-même. Il ne pouvait venir à Olrys qu'une heure avant minuit. Il importe extrêmement que personne ne le vit entrer dans la maison. J'étais donc instamment prié de lui ouvrir moi-même, à 11 heures précises, la petite porte du jardin. Je suivis ponctuellement mes instructions. Monsieur de Bellecour, fâché que je le quittasse plutôt qu'à l'ordinaire, en fit la remarque. Monsieur Després répondit par une plaisanterie dont je ne fus pas d'abord aussi frappé que par la suite. « Laissez aller ce convalescent, dit-il à mon père. Il a sans doute avec les esprits quelque commerce qu'il n'avoue pas. » Au lieu de monter chez moi, je me glissai doucement dans le jardin. Rosenberg m'attendait à la petite porte. « Oh, bonsoir, mon ami. Où est ma Sophie? Qu'est devenue la marquise? Avez-vous des nouvelles de mon beau-père? Son mari vit-il encore? Comment se porte ma sœur? Que dit-on de ce duel? Que pensez-vous de cet inconnu? Que vous semble de ce revenant? Pourquoi ne m'avez-vous écrit? Comment vous portez-vous? De Noirval, un moment donc, que de vivacité, quelle impatience! Vous ressemblez beaucoup à ce petit chevalier de Faublas dont on parle tant dans Paris. D'abord, asseyons-nous sur ce banc, et permettez-moi d'apporter dans mes réponses un peu plus d'ordre que vous n'en avez mis dans vos questions. Mes vigilants émissaires ont vu M. de Portail à Paris. Ils suivront ses traces jusqu'à ce qu'ils aient découvert la retraite de sa fille. On nous en rendra bon compte. Oh, ma Sophie, je te reverrai. Doucement, mon ami, ne m'étouffez pas. Madame de B est apparemment dans une de ses terres. On ne la rencontre ni à la cour ni à la ville. Pauvre marquise, je ne la reverrai plus. Peut-être, ne vous chagrinez pas. Le marquis, dont la blessure n'est pas jugée mortelle, ne désire sa guérison que pour vous aller chercher en quelque lieu que vous soyez. Faublas, il assure qu'il vous reconnaîtra partout. Rosenberg, on ne sait pas où elle est? apparemment dans une de ces terres, mon ami. Oui, madame de B, mais Sophie. Ah, dans Paris, très probablement. Mon ami, croyez-vous que le marquis soit homme à lui pardonner? Mais ne vous abusez point sur la nature de mes sentiments. De tous les revers, le plus funeste et le moins prévu m'a éclairé en ma cambe. Pardonner à la marquise, pourquoi pas? L'aventure n'est pas commune, j'en conviens, mais le mal est ordinaire. Ce n'est donc plus qu'un peu plus de bruit. Oh, la marquise est femme à lui faire entendre la raison là-dessus. Rosenberg, dites sans me flatter, pensez-vous qu'on puisse le forcer à me la rendre? Comment? Forcer le marquis à vous rendre sa femme? Et non, mon ami, c'est de la mienne et de son père dont je vous parle. Monsieur de Portail, il n'y a pas de doute, on l'y forcera très certainement. Je ne la reverrai plus. Au contraire, puisqu'il sera contraint de vous la rendre, vous la reverrez. Mon ami, je pense à cette femme si malheureuse. Mon ami, vous êtes toujours le même. Le mariage ne vous a pas changé. Mais permettez qu'à mon tour je vous fasse quelques questions. D'abord, je vois que vous êtes à peu près rétabli. L'espoir de revoir bientôt ma Sophie. Oui, oui, ma Sophie. Et puis cette femme si malheureuse. La marquise. Je vous assure que mon intention n'est pas de l'aller chercher. Il est vrai que parfois je me surprends à m'occuper d'elle, mais c'est que... Sans doute, chevalier, je vous entends. C'est qu'on n'est pas maître de cela. Malgré lui, un jeune homme bien-né ne se rappelle les bons procédés d'une femme jeune et belle qui a formé son adolescence. Rosenberg, toujours vous plaisantez. Dites-moi, auriez-vous par hasard entendu parler de cette petite Justine? Quoi? La femme de chambre aussi vous tient au cœur? Ah, c'est que vous l'avez formée, celle-là. Mais vous m'avez dit, ce me semble que la jeunesse... Allons, Rosenberg, pour cette fois j'ai tort, ne parlons pas de cela. Non, mon cher Faublas, parlons de ce revenant. Oui, Rosenberg. Comment le trouvez-vous, mon revenant? N'est-elle pas singulière, cette femme, qui jamais ne dit mot et toujours se comporte à merveille? N'est-il pas drôle, ce petit démon qui entre chez moi, je ne sais par où? Faublas, il vous visite toutes les nuits? Non, non. Mais tenez, justement, je l'attends celle-ci. Tant mieux. Nous éclaircirons le doux mystère. Nous saurons. Mais je me suis amusé à écrire dans cette auberge au lieu d'y souper. Chevalier, j'ai faim. Attendez, je vais avertir Jasmin. Faire du bruit dans la maison? Gardez-vous-en bien. Tenez, je crois que ma chaise de poste n'est pas encore partie. J'y dois avoir quelque chose. Quand je fais route, j'emporte toujours des provisions. Il me quitta et rapporta un moment après une moitié de poularde avec une bouteille de vin. J'ai pris deux verres, me dit-il, parce que vous souperez avec moi. Ici, dans ce jardin, chevalier, nous avons à causer, et votre chambre n'est pas sûre. D'abord, nous boirons à la santé d'Adélaïde, dont vous ne m'avez parlé qu'une fois. Ah, ma chère sœur, je l'aime pourtant beaucoup. Comment se porte-t-elle? Bien, très bien. Toujours plus charmante. Je n'ai pu résister au désir de l'aller voir une dernière fois avant de quitter la France. L'aimable enfant, comme sa douleur l'embellissait, comme elle souffre de ne voir ni son père, ni son frère, ni sa bonne amie. Faublas, buvons à sa santé, buvons, mon ami. Je sais que ce n'est pas de bon ton, mais nous sommes à la campagne, et puis les voyageurs. Tenez, prenez un morceau, je ne puis souper seul, vous le savez bien. Rosenberg, je suis charmé de vous voir ici. Mais à quoi bon dans ce jardin? Pourquoi ce mystère? Parce que je n'aurais pu vous entretenir en particulier. Parce que le baron, qui a déjà intercepté les lettres que je vous écrivais, se serait d'abord emparé de moi. Parce qu'il m'aurait sans doute prié d'altérer, selon ses vues, les nouvelles que j'apporte. Vous avez raison. Et puis ce revenant, croyez-vous qu'il ne m'occupe pas? Faublas, à la santé de Sophie. Mon ami, depuis plus d'un mois, je ne bois plus de vin. Vous allez me griser. À la santé de Sophie, vous ne pouvez vous en dispenser. Allons, va pour Sophie. Oh, ma jolie cousine, ce ne sera pas la première fois que tu m'auras fait perdre la raison. Rosenberg, voilà du vin terriblement fort, il me casse la tête. Rosenberg, que pensez-vous de cet inconnu qui, pendant la cérémonie... Ma foi, je ne sais qu'en dire. Parlons de votre nouvelle amante, de cette nocturne beauté qui vous aime avec tant de discrétion. Faublas, la croyez-vous jolie? Belle, mon ami. Une femme qui fuit le jour. Belle, j'en suis sûr. Allons, il est encore amoureux de celle-là. Amoureux, non. Faublas, je parie moi qu'elle est laide. 100 louis sur parole. Comte, voilà qui est dit. Ah ça, mais comment ferai-je pour la voir? Et puis vous vous en rapporterez donc à moi? Volontiers, s'il le faut. Mais croyez-vous que je sois moins curieux que vous de connaître? depuis que vous m'avez écrit votre aventure, je brûle du désir de contribuer à la mettre à fin. Preux chevalier, votre frère d'armes est avec vous. Permettez qu'il vous aide. Faublas, nous allons monter chez vous sans lumière et sans bruit. Vous vous coucherez vite et ne direz pas un mot. Moi, je resterai caché dans votre ruelle. Je suis muni d'une lanterne sourde que je ferai valoir à propos. Et si le revenant n'est pas sorcier, nous verrons quelle figure il a. Chevalier, encore une santé. Vous avez oublié quelqu'un. Oui, la belle marquise. Fidèle époux, je savais bien qu'il ne faudrait pas vous la nommer. Allons, deux doigts de vin pour la marquise. Vous vous moquez, mon ami. Charmante femme, versez tout plein. Maintenant que de sang-froid je me rappelle et je vous confesse cette indélicate exclamation, lecteur justement irrité, je ne vois qu'un moyen de vous calmer un peu, c'est de réclamer toute votre indulgence pour un convalescent que les santés précédentes avaient déjà mis en gaieté. Celle-ci m'acheva, je tombai tout à coup dans le délire de l'ivresse. Déjà chaque objet me paraissait déplacé, mobile et double. Je parlais sans me faire entendre, ou plutôt je bégayais au lieu de parler. Bientôt rêveur et pesant, je perdis ma joie babillarde, mon corps s'affaissa, mes paupières s'appesantirent, l'invincible sommeil allait fermer mes yeux. Rosenberg, qui s'en aperçut, me pria de le conduire à ma chambre, non sans me répéter plusieurs fois qu'il fallait ne pas faire le moindre bruit, et surtout garder un exact silence. Il recommanda à Jasmin, qui attendait mes ordres dans le jardin, de se retirer sans lumière et sans bruit. Nous arrivâmes, éclairés seulement par la lanterne sourde que nous laissâmes dans le corridor. Comme j'entrais à tâtons, soutenu par Rosenberg, je rencontrai dans mon chemin une chaise longue dans laquelle le comte m'étendit, afin, me disait-il tout bas, de me déshabiller avec plus de facilité. Prudemment, je laissai faire mon nouveau valet de chambre, mais il s'acquittait de son emploi avec tant de lenteur et de maladresse qu'en attendant qu'il eût plus de finir, je tombai dans un assoupissement profond. Une heure de sommeil ayant abattu les fumées du vin capiteux qui m'avait ôté la raison, je fus éveillé par un bruyant éclat de rire. « Enfin !» s'écria Rosenberg, « me voilà complètement vengé. Je veux qu'on m'assomme si ce n'est pas elle. » Au même instant, j'entendis un gémissement sourd suivi d'un grand soupir. Je me trouvais encore sur ma chaise longue, placée de manière qu'à travers de ma porte entrebâillée, j'apercevais au fond du corridor la faible lueur de la lanterne sourde. Aussitôt déterminé par l'inquiétude autant que par la curiosité, je cours dans ce corridor et rentre brusquement la lanterne à la main. Je promène sur les objets environnants sa lumière tremblante, je vois, hélas, aujourd'hui même, comment le raconter sans en gémir? Je vois sur mon lit, dont il s'était emparé, à ma place qu'il usurpait, Rosenberg à peu près nu, tenant étroitement embrassé, dans la moins équivoque des situations, une femme. Oh, Madame B., que vous me parûtes belle encore, quoique vous fussiez évanouie. Le comte, dès qu'il put croire qu'aucun détail de cette pantomime ne m'était échappé, abandonna sa victime, et reprenant ses habits à la hâte, il me dit en riant « Adieu, Faublas, je vous laisse avec cette belle désolée. Je crois que vous allez avoir une singulière explication. Persuadez-lui, si vous le pouvez, que vous n'étiez pas d'accord avec Rosenberg. Adieu, ma chaise de poste m'attend, je retourne à Luxembourg, demain je vous donnerai de mes nouvelles. » Le cruel discours de Rosenberg ne m'indigna pas moins que son horrible action. Dans le premier mouvement de ma fureur, j'allais sauter sur mon épée et le forcer à me faire raison de son infâme procédé, lorsque Madame de B. se releva tout à coup, me saisit par le bras et me retint. Rosenberg eut tout le temps de s'éloigner. La marquise alors prit ma main aussitôt couverte de baisers et baignée de larmes. « Oh, de quel poids je me sens soulagée !» me dit-elle. Oh, qu'il m'était consolant d'entendre que vous ne participiez point à cette infamie !» Madame de B. voulait continuer, mais son extrême agitation ne le lui permit pas. Elle sanglota longtemps, sans pouvoir me dire un mot. Puis, redoublant de pénibles efforts, d'une voix entrecoupée, elle reprit « Faublas, si vous avez été capable de me livrer à cet indigne homme, si vous m'aviez à ce point méprisé, plus grande que tous mes revers, ma dernière infortune eût entraîné ma mort. » À ces mots, la marquise laissa retomber sa tête sur mon oreiller. Ses bras s'étendirent, immobiles. Son regard se fixa, ses pleurs s'arrêtèrent. Insensible à mes soins, sourde à mes discours, elles paraissaient, dans le recueillement du désespoir, se pénétrer de l'horreur de sa situation. Elle garda pendant plus d'un quart d'heure cet effrayant silence, puis, d'un ton qui me parut calme, elle me dit enfin « Tranquillisez-vous, mon ami. Asseyez-vous auprès de moi. Ne craignez rien. Donnez-moi toute votre attention. Je vais me montrer à vous tout entière, et quand je vous aurai dit quels vains projets j'avais formés et quelles immuables résolutions je viens de prendre, vous saurez précisément jusqu'à quel point vous devez me plaindre et me blâmer. » Monsieur de B venait de vous rencontrer aux Tuileries. Il entre chez moi, furieux, devant 20 personnes. Il me reproche ses outrages récents et m'annonce sa prochaine vengeance. Étonné du cruel abandon où vous me laissez dans un moment également fatal à mon amour et à mon honneur, je suis forcé de me dire qu'un intérêt plus pressant, qu'un objet plus cher vous occupe. Moi-même, je vole à Jalon. Tandis que j'y questionne le maître de poste, arrive un homme que je reconnais et qui, sans le vouloir, va m'indiquer votre retraite. C'était Jasmin qui conduisait une chaise de poste. Je le suis toujours à quelque distance, et comme lui, j'arrive à Luxembourg le lendemain du jour qui vous vit y entrer. L'aurore venait de paraître. Je cours dans la ville, je m'informe, je perds en recherche une heure entière, l'heure la plus précieuse de ma vie. Enfin, l'on me dit qu'à l'instant même, il se fait un grand mariage, qu'un jeune homme qui traînait à sa suite une fille enlevée. C'en est assez. Je n'écoute plus rien, je vole au temple, je me précipite. On venait de vous unir. Un cri m'échappe, et soudain, rassemblant mes forces, je me dérobe à votre vue. Trop heureuse de pouvoir fuir, je fuis sans savoir où. Bientôt l'amour plus fort me ramène à Luxembourg. Il me dit qu'il faut au moins savoir ce que vous deviendrez. Faublas, en vérité, la joie que je ressentis en apprenant que ma rivale vous était enlevée fut moins vive que l'inquiétude où me jeta le dangereux délire dont on vous disait atteint. Animé du double désir de veiller sur les jours de mon amant et de le conserver pour moi seul, je bâtis aussitôt mon plan. Dumont m'accompagnait. Nous parcourûmes les environs de Luxembourg. Sous le nom de Després, Dumont loue cette maison. Dans le pavillon que je vous destinais, je fis promptement quelques changements nécessaires à l'exécution de mes desseins. La marquise de B, déterminée à tout souffrir, pourvu qu'elle ne vous perdît pas, alla s'enfermer dans un misérable grenier de l'autre corps de logis. Votre père vous fit conduire ici. J'eus le plaisir de loger avec mon amant, presque sous le même toit, de le voir sous mes yeux revenir à la vie, d'aller quelquefois, dans le silence des nuits, respirer son haleine et sentir palpiter son cœur. Chevalier, mon parti était pris. Je vous enlevais malgré vous. Malgré vous, je vous conduisais. Que sais-je, peut-être au bout du monde. Oui, j'aurais mis l'immensité des mers entre mon perfide amant et ma rivale préférée. La marquise, d'abord calme, ensuite attendrie, maintenant exaltée, mit dans ses derniers mots une expression si forte que je ne pus retenir quelques signes d'étonnement qu'elle remarqua. « Rassurez-vous, me dit-elle, vous êtes désormais libre, et me voilà pour toujours enchaîné. Il est passé pour moi le temps des passions tendres. Je ne dois maintenant éprouver que la plus impétueuse, la plus implacable de toutes. L'amour s'enfuit, chassé par l'opprobre. Comment, en effet, remettre en vos bras une femme à vos yeux flétris, avilie à ses propres yeux ? Chevalier. Le châtiment de ce misérable me regarde, et je vous le jure, je l'accomplirai. » Madame de B, le visage enflammé, l'œil furieux, s'exprimait avec tant de rage que je craignis pour elle les suites d'un état aussi violent. Mon infortunée maîtresse vit que j'allais l'interrompre et se hâta de poursuivre. « Vous essayeriez en vain de changer ma résolution. Un lâche l'a rendue trop nécessaire pour qu'elle vous paraisse étonnante ou pour que je m'arrête épouvantée des faibles dangers qu'elle entraîne. Hélas, je n'ai plus rien à perdre. Le perfide vient de combler mon déshonneur et de m'arracher mon amant. Faublas, je vous le répète, je vous défends d'épouser ma querelle. Seul, je prétends la soutenir. Je serais désespéré qu'un autre m'enlevât le plaisir de la vengeance. On sait ce que peut une femme outragée. On verra ce que peut une femme telle que moi. Oui, je le jure, par mon amour flétri, par mon honneur perdu, un jour, dans votre étonnement, vous vous demanderez si quelqu'un monde eût pu venger la marquise mieux qu'elle-même. » Elle garda quelque temps un morne silence. J'osais lui donner un baiser. Mes larmes se répandirent sur son sein découvert. Elle répara promptement son désordre, qu'apparemment elle n'avait point encore aperçu, et d'un ton moins agité mais non moins douloureux, elle me dit « Oh oui, prenez pitié de moi. j'ai besoin de consolation. Demain, je vous quitte. Demain, nous allons nous séparer. Nous séparer pour longtemps, peut-être. Je retourne à Paris. » « À Paris ? » ?»« Oui, mon ami. » Ce ne fut point la crainte qui me chassa de la capitale. Ce n'était point pour me cacher que je volais à Luxembourg. « Eh ! Que n'ai-je pu, selon mes désirs, vous consacrer le reste de ma vie ? Je vais reprendre ma fortune et mon rang, puisqu'il ne m'est plus permis de vous en faire le sacrifice. Je retourne à Paris. Soyez tranquille sur mon sort. Quand une femme qui n'est pas tout à fait sans esprit et sans attrait ne s'étonne pas, reposez-vous sur elle du soin de ramener l'époux le plus justement aigri. Je ne serai pas la première qu'on aura vue, forcée à des mensonges invraisemblables, nier hautement une infidélité prouvée. Peut-être me sera-t-il moins difficile que vous ne pourriez le croire de faire entendre à M. de B. que le chevalier de Faublas fut toujours pour moi Mademoiselle du Portail. Et si je ne persuade pas le marquis, je tâcherai du moins de l'embarrasser de manière à le laisser indécis. Le lendemain de cette nuit si fatale et si douce, qui m'eût dit que je venais d'ouvrir sous mes pas un abîme au fond duquel m'attendaient la vengeance, l'opprobre et le désespoir ? Mon ami, je vous quitte. Qu'allez-vous devenir ? Hélas, vous brûlez de vous réunir à ma rivale fortunée. Ah, puissiez-vous la rejoindre et lui rester toujours fidèle, que celle-là du moins ne soit pas malheureuse. Madame de B. venait de faire passer dans mon âme le noble enthousiasme dont la sienne était enflammée. Entraîné par une force supérieure, j'allais me précipiter dans ses bras, elle me retint. « Adieu, chevalier, dans tous les temps, comptez sur moi. Je ne me souviendrai jamais sans attendrissement et sans reconnaissance que si ma jeunesse, tourmentée de tant de peines cruelles, eut quelques beaux jours, ce fut à vous que je les dus tous. Mais ne vous abusez point sur la nature de mes sentiments. De tous les revers, le plus funeste et le moins prévu m'a éclairé en m'accablant. J'en ai la trop fatale expérience. Il ne faut point espérer de trouver le bonheur dans un attachement illégitime. Chevalier, la faible marquise de B. n'est plus. Vous voyez maintenant une femme capable de quelque énergie, uniquement occupée du soin d'assurer sa vengeance et de préparer votre avancement. Adieu, Faublas, c'est votre ami qui vous embrasse. » Elle me donna un baiser sur le front et s'en alla par la cheminée. Oui, c'était par là qu'elle entrait chez moi. Au fond de l'âtre, la plaque, en tombant, découvrait une espèce de soupirail assez large pour que la marquise passât librement.